Entendre des pneus qui crissent une nuit sur le parking du supermarché d'en face. S'énerver parce que ça empêche de dormir. Se demander pourquoi. Mais pourquoi est-ce que ces crétins me brouillent l'écoute à cette heure? Et puis rester éveillé malgré soi. Entendre le monde. Les sons quotidiens du côté rue. Éprouver le temps qui passe. Des gens qui viennent à toute heure de la nuit. Déranger mon sommeil alors que je laisse la fenêtre ouverte pour qu'un courant d'air passe. Ils viennent prendre de l'essence. Veuillez retirer votre carte avant d'aller vous servir. Je connais toute la marche à suivre. Mais qui sont ces personnes qui font parler l'automate à 5 heures du matin? Où vont-elles et comment se dessinent leurs espaces sonores alors que je reste à ma fenêtre à pester contre les embouteillages qui commencent à 8 heures? Qu'est-ce qu'elles entendent que je n'entende pas? Je cherche le silence pour retrouver le sommeil, mais l'idée de l'atteindre me fait tellement peur que ça m'en empêche.